mécanique du journalisme. Troisième épisode, la chute de la maison Fillon. Lundi matin, 23 janvier, on interroge François Fillon alors de différentes façons. On envoie une lettre de mémoire, François Fillon, à son siège de campagne, par coursier, je crois. De même qu'on envoie un coursier au domicile des Fillon pour déposer une lettre pour Madame Fillon. Et par ailleurs, évidemment, on envoie des mails à la société de conseil Image 7 qui assure la communication de François Fillon, à son équipe de campagne, etc. Mais on a doublé ça par des courriers. Et on n'obtient aucune réponse dans la journée. Donc on interroge Marc Ladrette de La Charrière ce jour-là. Je l'appelle au téléphone, il ne répond pas, j'envoie un texto. Il commence par complètement balayer les accusations en disant « Vos informations sont dénuées de tout fondement, elle n'a jamais travaillé pour nous », quelque chose comme ça. On se permet d'insister, on dit « Écoutez, c'est étrange, ça ne correspond pas vraiment aux éléments dont nous disposons ». Et il répond mais très vite, je crois, même pas une heure plus tard, un nouveau SMS en disant « Autant pour moi, j'avais zappé ». Effectivement, elle a bien travaillé pour nous à cette époque pour un travail de conseiller littéraire. C'est la première fois que ce mot apparaît, puisque elle n'était pas censée avoir un travail de conseiller littéraire. Elle était juste censée avoir écrit deux notes de lecture. Donc, mais il nous l'écrit, nous confirme, elle était conseiller littéraire. Mais il avait zappé. François Fillon ne répond pas. En fait, on communiquait à l'époque exclusivement avec Myriam Lévy, qui travaillait pour Image 7, la société de communication d'Anne Méo, qui assurait la communication de François Fillon. Aucun commentaire. Et encore une fois, c'est la première fois. Les autres fois, ils ont répondu sur la société de conseil, sur son château, sur ses montres. Enfin, on a posé plein de questions. Là, pas de réponse du tout. Silence radio. Je ne sais pas si François Fillon lui-même s'est complètement rendu compte de ce qui se passait, ou je ne sais pas trop. En tout cas, il n'y a eu visiblement aucune réponse de passé, directement, indirectement, même pas du off, rien. Ça commence plutôt dès le mardi après-midi, parce qu'en fait, le canard est imprimé le mardi après-midi. Et tous les mardis soirs à l'époque, il y a des coursiers qui viennent chercher le canard enchaîné au siège du canard rue Saint-Honoré, qui l'emmène dans tous les médias, les ministères, les dix, etc. Donc ils l'ont très vite, vers 17h. Et donc en fait, l'info sort dès le mardi soir. Et bizarrement, il ne prévient même pas son entourage. L'entourage est au courant de rien, ne sait pas. Si bien que le mardi soir, donc on est fin janvier, il tire la galette des rois au siège de campagne du candidat, personne ne sait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'autre n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé à son directeur de campagne, que son attaché de presse qui est au courant. Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. France Culture, 25 janvier 2017. Un gros pavé dans sa mare. Un pavé lancé ce matin par le canard enchaîné. L'hebdo satirique épingle François Fillon et surtout son épouse Pénélope Fillon, embauchée comme attachée parlementaire et aussi donc à la Revue des Deux Mondes comme conseillère littéraire. Là aussi, on ne se souvient pas de son passage. Rien d'illégal, sauf si c'est un emploi fictif. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. 25 janvier 2017, première réaction de François Fillon. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Votre femme a-t-elle accompli un travail à temps complet en contrepartie des salaires qu'elle a perçus comme assistante parlementaire ? Oui, absolument. 26 janvier 2017, au lendemain de la parution du canard, François Fillon réagit cette fois au journal de 20h. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse. Il n'y a pas de traces des discours qu'elle aurait écrits, des démarches qu'elle aurait faites. Les seules choses qui vont produire, y compris au moment du procès, ça montre simplement qu'elle était l'épouse de son mari. On a les déclarations de Pénélope. Et on retrouve les déclarations de Pénélope dans The Telegraph, où elle dit « J'ai réalisé que mes enfants me connaissaient seulement comme mère et donc elle regrettait de ne pas avoir eu une vie professionnelle. » Au journal de Sablé, elle avait lancé, toujours en 2007, « Je ne suis pas une militante. » Et vous avez le curé de Solesmes qui avait dit à propos d'elle, « François Fillon a une femme en or, discrète, qui sait tenir son rang et élever ses enfants. » Après, on va découvrir de l'interview télévisée qu'elle donne à une chaîne anglaise, si je ne me trompe pas, où elle raconte qu'elle a beaucoup souffert de ne pas avoir de vie professionnelle. Elle aussi, elle est sa principale procureure. Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ses campagnes ou sa carrière politique ? Oui, je l'ai fait. Enfin, en plus des enfants. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses, glisser des prospectus sous les portes. Parce que j'aime bien... J'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'ils disent. C'est quelque chose que je faisais quand il était maire de Sablé. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Mais rien de plus, rien. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Donc madame a toujours eu des emplois à la réalité plus qu'incertaine, mais au salaire plus que conséquent, qui ont permis au couple, c'est un peu d'entretenir ses châteaux et de payer les ardoises, des toitures, etc. On a publié ce qu'on a sur la revue, on a publié ce qu'on a sur ses salaires à l'Assemblée. Et c'est François Fillon lui-même qui, deux jours plus tard, en allant au JT de TF1, je crois, nous apprend... Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences. Alors, nous, on ne savait pas. Et donc, on s'est dit, tiens, dis que quoi dans où ? Et on a découvert d'abord qu'ils n'étaient pas avocats, ils étaient étudiants, d'une part... Et que c'était pas des missions précises, il s'agissait d'emplois à plein temps, d'attachés parlementaires, quand leur père était sénateur, parce que leur père a également été sénateur en 2005, quand il n'est plus ministre du Travail, avant les élections législatives de 2007 et la présidentielle, il se réfugie au Sénat, et là il embauche ses enfants, sa fille Marie et son fils Charles, et les deux vont avoir droit à 84 000 euros pour leur prestation d'attaché parlementaire. Curieusement, ils ont refilé l'argent à leurs parents. Et l'explication de François Fillon, c'était qu'il remboursait. La fille remboursait les frais de son mariage. Généralement, c'est les parents qui payent. Et le fils remboursait ses études. Merci François Fillon, parce que c'est vraiment... Il nous l'a porté sur un plateau. Comme on avait pris un peu d'avance, parce qu'on avait déjà bien fouiné avant, on a pu... pour la semaine suivante, donner des détails sur les dates, les emplois des enfants, sur ce qu'ils faisaient ou pas. Ça me paraissait compliqué parce qu'ils étaient étudiants et occupés par ailleurs. Donc sur leur salaire, etc. On a eu le temps de faire l'enquête pour la semaine suivante, mais c'était pas du tout prévu. Et après, d'ailleurs, ça s'épuise assez vite. On n'a pas sorti grand-chose ensuite. On n'a rien sous le coude, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'on a... on a bien fait le tour de la question, croit-on. On ne pense pas qu'il y a plus que ça, mais surtout, je pense qu'aucun journaliste ne garderait sous le coude une information que n'importe qui d'autre peut trouver en l'espace d'une semaine, parce que le Canard enchaîné, à l'époque, n'a aucun site internet. On ne va pas prendre le risque de garder une information sous le coude pendant 7 jours pour se faire griller par des confrères. Donc ça, ce n'est pas possible. Je sais que l'équipe Fillon tout de suite a dit qu'on allait feuilletonner, qu'on voulait feuilletonner, feuilletonner pendant toute la campagne, mais c'était pas le cas, et ce serait complètement stupide. On va pas prendre le risque, encore une fois, de se faire griller la politesse par des confrères qui vont faire leur travail très vite et trouver la même chose que nous. Il n'y a pas de raison, sinon on a trouvé, d'autres peuvent trouver. Il suffit juste de s'y intéresser. À partir du moment où on a appuyé sur la sonnette, tout le monde va le faire, toute la presse va se précipiter. C'est hors de question de garder quelque chose sous le coude. Le 25 janvier 2017, suite aux révélations du Canard, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. La justice est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je ne m'exprimerai plus sur aucune des questions qui me sont posées. Je me suis exprimé devant les juges hier, devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête. Mais je veux quand même dire qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Bien évidemment, c'était totalement grotesque. Je veux dire, c'est les hommes politiques, quand ils sont coincés, qu'ils ne savent plus quoi faire, ils disent, c'est un cabinet noir, on veut me nuire, c'est la concurrence, c'est mes adversaires, etc. Et ça n'a convaincu personne et ça s'est retourné contre lui. Il aurait pu y avoir quelqu'un qui nous apporte un dossier tout chaud un jour. Regardez ce que je vous apporte. Ah, formidable. Écoutez, on l'aurait publié quand même. Voilà. Il se trouve que ça s'est pas passé comme ça. Donc nous, on est hyper tranquille là-dessus. On sait qu'il pourra pas y avoir relecture de l'histoire en disant voilà, tout ça est un complot. C'est X ou Y qui a apporté le dossier. C'était prévu de longue date. Voilà. Non, ça marchera pas. Donc à la fois on est très à l'aise et en même temps. Ça nous amuse justement parce que on sait qu'il va s'enferrer là-dedans. Il va jusqu'à dire j'ai les noms, les dates, les heures des gens qui sont censés nous avoir remis des choses. Donc nous on piaffe toutes les semaines, on attend qu'il les révèle jusqu'au procès. Il les a jamais révélés, donc je comprends pas cette déclaration. Mais ça nous amuse. Et en plus, à l'époque, il y a tout un complotisme qui se met aussi en branle sur Internet. Alors on reçoit au Canard. Des mails. Dans les mails insultants ou vraiment pas contents, il y a des gens qui nous disent c'est bien beau tout ça, hein. Franchement, on sait que c'est Gaspard Ganzer, le conseiller de François Hollande, qui tel jour, à telle heure, a remis tel dossier au directeur du Canard enchaîné. Alors on se dit, oh, formidable, écoutez, on n'était pas du tout au courant. Mais en plus, on comprend pas du tout la logique, c'est-à-dire que si c'était un complot, il faut qu'il y ait quelqu'un à un intérêt derrière. Donc François Fillon dit c'est un complot. D'autres dans la sphère complotiste disent oui, donc ça vient de Hollande. Mais alors attendez, quel est l'intérêt de François Hollande puisqu'il n'est pas candidat? Ça tient jamais vraiment la route, mais bon, ça fait les esbroufs. Et puis voilà, François Fillon, de toute façon, on n'a pas vraiment de quoi se défendre. Donc voilà, il parle là-dessus, sur cette idée de complot, et qu'il va pas céder, etc. Et contredisant tout ce qu'il a pu dire un mois plus tôt encore sur la morale en politique, puisque pendant toute sa campagne des primaires, jusqu'au dernier moment, jusque dans l'entre-deux-tours des primaires, donc fin novembre, il explique dans son débat face à Juppé que, pour diriger la France, il faut être irréprochable et que, oui, c'est bien malheureux, la présomption d'innocence, ça devrait être bien respecté, mais que c'est pas possible quand on est ministre. S'il y a une suspicion qui a entraîné une procédure judiciaire, on peut pas diriger un ministère, encore moins un pays. Voilà. Donc, et un mois plus tard, il a complètement changé d'avis.